Chapitre 34e. Une fois parvenu au poste de chef de la police de sûreté, je n'eus plus à me garantir des pièges dans lesquels on avait si souvent cherché à m'attirer. Le temps des épreuves était passé, mais il fallut me tenir en garde contre la basse jalousie de quelques-uns de mes subordonnés qui convoitaient mon emploi et mettaient tout en œuvre afin de parvenir à me supplanter. Coco Lacour fut notamment l'un de ceux qui se donnèrent le plus de mal pour me caresser et me nuire tout ensemble. Au moment où ce patelin se détournait de 50 pas et aurait renversé toutes les chaises d'une église pour venir me saluer d'un mielleux « Dieu vous bénisse », lorsque par hasard il m'avait entendu éternuer, j'ai été bien sûr qu'il avait anguille sous roche. Personne moins que moi ne se méprenait sur ces petites attentions d'un homme qui se prosterne quand à peine il a besoin de s'incliner. Mais comme j'avais la conscience que je faisais mon devoir, il m'importait peu que ces démonstrations d'une politesse outrée fussent vraies ou fausses. Il ne se passait guère de jour que mes mouches ne vinssent m'avertir que la cour était l'âme de certains conciliabules où se tenaient toute espèce de propos sur mon compte. Il projetait, disait-on, de me faire tomber, et il s'était formé un parti qui conspirait avec lui. J'étais le tyran qu'il fallait abattre. D'abord, les conjurés se contentèrent de clabauder, et comme ils avaient sans cesse ma chute en perspective, pour se faire mutuellement plaisir, ils se la prédisaient à l'envi, et chacun d'eux se partageait d'avance l'héritage d'Alexandre. J'ignore si cet héritage est échu au plus digne, mais ce que je sais bien, c'est que mon successeur ne se fit pas faute de mener plus ou moins à droite pour réussir à se le faire adjuger avant mon abdication. Des clabauderies et des cancans, la cour et ses affidés passèrent à des trames plus réelles, et à l'approche des assises, pendant lesquelles devaient être jugés les nommés Payois, Leblanc, Berthelet et Lefébure, prévenus de vol avec effraction à l'aide d'une pince ou Monseigneur le Dauphin, ils répandirent le bruit que j'étais à la veille d'une catastrophe et que, vraisemblablement, je ne m'en tirerais pas les choses nettes. Cette prophétie, lancée chez tous les marchands de vin des environs du palais de justice, me fut promptement rapportée, mais je ne m'en inquiétais pas plus que de tant d'autres qui ne s'étaient pas réalisés. Seulement, je crus m'apercevoir que la cour redoublait mon égard de souplesse et de petits soins. Il me saluait plus respectueusement et plus affectueusement encore que de coutume. Ses yeux, à la faveur de ce mouvement en spirale qu'il imprime à sa tête lorsqu'il vise à donner les grâces de l'homme comme il faut, évitait de plus en plus la rencontre des miens. À la même époque, je remarquai chez trois autres de mes agents, chrétiens, hutinés et des costards, un redoublement d'ardeur pour le service et de complaisance qui m'étonnait. J'ai été instruit que ces messieurs avaient de fréquentes conférences avec la cour. Moi-même, sans songer le moins du monde à épier leur démarche, dans mon intérêt personnel, je les avais surpris chuchotant et s'entretenant de moi. Un soir, entre autres, en passant dans la cour de la Sainte-Chapelle, car ils complotaient jusque dans le sanctuaire, j'avais entendu l'un d'eux se réjouir de ce que je ne parerais pas la botte qu'on allait me porter. Quelle était cette botte? Je ne m'en faisais pas une idée. Lorsque Payois et ses co-accusés y ont été traduits, les débats judiciaires me révélèrent une machination atroce, tendant à établir que j'étais l'instigateur du crime qui les avait amenés sur les bancs. Payois prétendait que s'étant adressé à moi pour me demander si je connaissais un recruteur qui eût un remplaçant à fournir, je lui avais proposé de voler pour mon compte et que même je lui avais donné 3 francs pour acheter la pince avec laquelle il avait été pris faisant effraction chez les sieurs Labati. Berthelet et Lefébure confirmaient le dire de Payois et un marchand de vin nommé Leblanc qui, impliqué comme eux, paraissait avoir été le véritable bailleur de fonds pour l'acquisition de l'instrument, les encourageait à persévérer dans un système de défense qui, s'il était admis, devait avoir nécessairement pour effet de le faire absoudre. Les avocats qui plaidèrent dans cette cause ne manquèrent pas de tirer tout le parti possible de la prétendue instigation qui m'était imputée, et comme ils parlaient d'après leur conviction, s'ils ne déterminèrent pas le jury à rendre une décision favorable à leur client, du moins, parvinrent-ils à jeter dans l'esprit des juges et du public de terribles préventions contre moi. Dès lors, je crus qu'il était urgent de me disculper, et certain de mon innocence, je priai M. le préfet de police de vouloir bien ordonner une enquête dans le but de constater la vérité. Payois, Berthelet et Lefébure venaient d'être condamnés. J'imaginais que n'ayant plus désormais aucun intérêt à soutenir le mensonge, ils confesseraient qu'ils m'avaient calomnié. Je présumais en outre que dans le cas où leur conduite aurait été le résultat d'une suggestion, il ne ferait plus difficulté de nommer les conseillers de l'imposture qu'ils avaient audacieusement soutenus devant la justice. Le préfet ordonna l'enquête que je sollicitais, et au moment où il confiait le soin de la diriger à M. Fleuriet, commissaire de police pour le quartier de la Cité, un premier document, sur lequel je n'avais pas compté, préluda à ma justification. C'était une lettre de Berthelet au marchand de vin Leblanc, qui avait été déclaré non coupable. Je la transcris ici, parce qu'elle montre à quoi se réduisent les accusations que l'on a cessé de diriger contre moi tout le temps que j'étais attaché à la police et depuis que j'ai cessé de lui appartenir. Voici cette pièce dont je reproduis jusqu'à l'orthographe. Ah, monsieur. Monsieur Leblanc, maître marchand de vin, demeure en barrière du combat, boulevard de la Chopinette, au signe de la Croix, à Approche Paris. Monsieur, je vous écris cette lettre, c'est pour m'informer de l'état de votre santé, et en même temps pour vous prévenir que nous sommes pourvus en grâce de notre jugement. Vous ne doutez pas de ma malheureuse position. C'est pourquoi je vous préviens que si vous m'abandonnez, je ferai de nouvelles révélations de la peine que vous ayez fournie et qui a de plus été trouvée chez vous, dont vous n'ignorez pas ce que nous avons caché à la justice à cet égard, et dont un chef de la police a été cité dans cette affaire qui était innocent et qu'on a cherché à rendre victime. Vous n'ignorez pas les promesses que vous m'avez faites dans votre chambre pour vous soutenir dans le tribunal. Vous n'ignorez pas que j'ai vendu le sucre et de la chandelle à votre femme. C'est pourquoi, si vous m'abandonnez, je ne vous regarderai pas pour un homme d'après toutes vos belles promesses. Rappelez-vous que la justice ne perd pas ses droits et que je pourrais vous faire appeler un. Vous n'avez rien à craindre, c'est à passer secrètement. Berthelet. Et plus bas, j'approuve l'écriture ci-dessus. Suivant l'usage, cette lettre, qui devait passer si secrètement, fut remise au geôlier, qui, en ayant pris connaissance, la fit aussitôt parvenir à la préfecture de police. Leblanc n'ayant pu par conséquent ni répondre ni venir au secours de Berthelet, ce dernier perdit patience, et en exécution des menaces qu'il avait faites, il m'écrivit, de la conciergerie, une autre lettre ainsi conçue. Ce 29 septembre 1823. Monsieur, d'après les débats de la cour d'assises et le résumé du président qui porta charge d'après la déclaration du nommé Payois, qui par une fausse déclaration faite par lui au tribunal d'un écu de 3 francs que vous lui avez donné pour acheter l'instrument qui a cassé la porte à M. Labatti, moi, Berthelet, en présence des autorités, veux faire reconnaître la vérité et votre innocence. Je déclare, premièrement, savoir où la pince a été achetée, deuxièmement, de la maison d'où elle est sortie, troisièmement, et le nom de celui qui l'a fournie avec vérité. Berthelet. Et plus bas, j'approuve l'écriture ci-dessus. Plus bas encore, le sceau de la maison de justice et cette mention de la main du chef des employés de la conciergerie, l'écriture ci-dessus et la signature est celle de Berthelet. Aigli. Berthelet, interrogé par M. Fleuriet, déclara que la pince avait coûté 45 sous, qu'elle avait été achetée au faubourg du Temple, chez un marchand fripier, et que Leblanc, instruit de l'usage qu'on devait en faire, avait avancé l'argent pour la payer. Le marché conclu, poursuivit Berthelet, Leblanc, qui était resté un peu en arrière, me dit « Si on te demande ce que tu veux faire de la pince, tu diras que tu es tailleur de cristaux et que tu en as besoin pour serrer la roue de ton métier. Si on te demande tes papiers, tu me feras venir et je dirai que tu es mon apprenti. » J'allai le rejoindre, ayant pince à la main, et il me dit de la lui donner pour la mettre sous sa redingote, dans la crainte que je ne fusse rencontré par des agents. Leblanc me conduit de suite chez lui. En arrivant, son premier soin fut de descendre à sa cave pour y déposer la pince. Je remontai au premier, où je trouvai le fébure, à qui je dis que j'avais acheté la pince. Le soir même, après avoir bu jusqu'à 10 heures, le fébure, Payois et moi, nous allâmes rotonde du temple, dans une petite rue dont je ne sais pas le nom. Payois, tandis que le fébure et moi nous faisions le guet, pratiqua 33 trous au moyen d'une vrille dans le volet d'une marchande lingère. Le couteau dont se servait Payois pour couper l'entre deux des trous, ayant cassé, notre coup ayant manqué, nous nous retirâmes. Nous allâmes ensuite à la halle, contre la pointe Saint-Eustache, où Payois, se servant de la pince dont j'ai parlé, essaya de faire sauter la porte d'un mercier. Quelqu'un de l'intérieur, ayant demandé ce qu'on voulait, nous prîmes la fuite. Il était alors 2h30 du matin. Nous allâmes tous les trois à l'hôtel d'Angleterre, où Payois remit à la bourgeoisie de la maison qu'il connaissait un parapluie qu'il avait avec lui. Avant d'y entrer, Payois avait remis à une marchande de café qui était en plein air, près le palais royal, la pince qui était enveloppée dans un sac. Nous sortîmes de l'hôtel d'Angleterre à près de 5 heures du matin, et Peignoir reprit à la marchande de café la pince qu'il lui avait donnée à garder. Je dois dire que cette femme ignorait ce que c'était. Peignoir s'en alla chez Leblanc, son bourgeois, et emporta la pince avec lui. Le Phébure et moi ne nous quittâmes plus, et nous retournâmes chez Leblanc à 5 heures du soir, où nous restâmes jusqu'à 10. Leblanc me remit un briquet phosphorique pour nous servir au besoin, ainsi qu'un bout de chandelle. Je m'étais même amusé avec la pointe d'un coup de doigt tracé sur ce briquet qui était en plomb la lettre L qui commence le nom de Leblanc. Peignoir, Le Phébure et moi nous sortîmes ensemble. Peignoir, ayant pris sur lui la pince, la passa à la barrière et nous la remit après. Il s'arrêta en chemin pour aller dans une maison garnie avec Victor Bigan, et Le Phébure et moi nous allâmes commettre chez l'abati le vol par suite duquel nous avons été arrêtés. La pince et une partie des effets qui avaient été volés furent portés par Le Phébure chez Leblanc. Leblanc, qui était mis en jugement avec nous, m'avait engagé à ne pas le charger, à ne pas démentir Peignoir, qui devait dire que c'était M. Vidocq qui lui avait donné 3 francs pour acheter la pince. Il m'avait promis de me donner une somme d'argent si je voulais soutenir la même chose. J'avais consenti, craignant qu'en disant la vérité, mon affaire ne devint plus mauvaise. Déclaration du 3 octobre 1823. Le Phébure, qui comparut ensuite, sans avoir pu communiquer avec Berthelet, confirma la déclaration de ce dernier en ce qui concernait Leblanc. « Si je n'ai pas dit, ajouta-t-il, que c'est lui qui a fourni à Berthelet l'argent pour acheter la pince, c'est que Peignoir m'avait engagé à dire que c'était lui Peignoir qui l'avait acheté. Peignoir, étant compromis dans ce vol, n'avait pas voulu charger Leblanc qui lui faisait du bien et qui pouvait lui en faire davantage par la suite. » Un sieur Régly, chef des employés de la conciergerie, et les nommés Lecomte et Vermont, détenus dans cette maison, ayant été entendus par M. Fleuriet, rapportèrent plusieurs conversations dans lesquelles Berthelet, Le Phébure et Peignoir étaient convenus devant eux qu'ils m'avaient inculpé à tort. Dans leurs témoignages, tous les condamnés s'accordaient à dire que je les avais constamment détournés de faire le mal. Vermont raconta en outre qu'un jour, les ayant blâmés de ce qu'ils m'avaient compromis sans motif, ils lui répondirent « Bois, nous nous fichons bien de cela. Nous aurions compromis le Père éternel pour nous sauver, mais ça a mal réussi. » Peignoir, qui était le plus jeune des condamnés, mit moins de franchise dans ses réponses. Son amitié pour Leblanc le porta d'abord à cacher une partie de la vérité. Cependant, il ne put s'empêcher de reconnaître que j'étais étranger à l'achat de la pince. « Pendant, dit-il, toute l'instruction qui a précédé ma mise en jugement et devant la cour d'assises, j'ai affirmé et soutenu que c'était M. Vidocq qui m'avait donné 3 francs. » pour acheter la pince à l'aide de laquelle a été commis le vol qui m'a fait arrêter, ainsi que Berthelet, Leblanc, Le Phébure et autres. J'ai persisté à dire toujours la même chose, espérant que cela pourrait ou diminuer ou alléger ma peine. J'avais pensé à ce moyen parce que des prisonniers m'avaient dit qu'ils pourraient me servir. Je dois à la vérité de déclarer aujourd'hui que M. Vidocq ne m'a point donné l'argent en question pour acheter la pince, que c'est moi qui l'ai acheté de mon argent. Cette pince me coûta 48 sous, et je l'achetai chez un ferrailleur en boutique qui demeure dans la première rue à droite en entrant dans la rue des Arcis du côté du pont Notre-Dame. Je ne connais pas le nom du ferrailleur, mais je pourrais facilement faire connaître sa boutique qui, au surplus, est la deuxième à droite en descendant dans cette rue. C'est le 8 ou le 9 mars dernier que j'en fis l'achat. Le ferrailleur et sa femme étaient dans la boutique. C'était la première fois que j'achetais quelque chose chez eux. 3 jours après, Peignoir ayant été transféré à Bicêtre, écrivit au chef de la 2e division de la préfecture de police une lettre dans laquelle il confessait qu'il en avait constamment imposé à la justice et témoignait le désir de faire des révélations sincères. Cette fois, la vérité tout entière allait être connue. Hutinet, Chrétien, Descostard, Coco Latour, qui étaient venus à l'audience déposer dans le sens de l'imposture, furent tout à coup dévoilés. Il devint évident que Chrétien avait fait jouer les ressorts de l'intrigue qui devait amener mon expulsion de la police. Une déclaration que reçut le maire de Gentilly mit au grand jour toute l'infamie de cette machination dont Lacour, Chrétien, de Costard et Hutinet s'étaient promis le succès le plus complet. C'était eux qui m'avaient envoyé Peignoir lorsqu'il était venu me trouver sous le prétexte de me demander si je ne pourrais pas lui indiquer un recruteur qui eut besoin d'un remplaçant. C'était encore eux qui avaient engagé Berthelet à se présenter dans mon bureau pour me donner des avis sur certains vols qui devaient se commettre. Ils avaient ainsi dressé pour le soutien de l'accusation, sous le poids de laquelle ils projetaient de m'accabler, un échafaudage de vraisemblance résultant de mes rapports avec les voleurs antérieurement à leur arrestation. Selon toutes les apparences, il n'était pas impossible qu'ils eussent quelque temps fermé les yeux sur les expéditions de Peiwa et consorts, à la condition que s'il leur arrivait d'être pris en flagrant délit, ils adopteraient un système de défense conforme à leurs intérêts. Il n'existait pas de vestige d'une transaction de ce genre, mais elle devait avoir eu lieu, et les démarches de mes agents, soit pendant l'instruction de la procédure, soit depuis la condamnation des coupables, ne permettent pas d'élever le moindre doute à cet égard. Peiwa est arrêté, aussitôt Utiné et Chrétien se rendent à la force et ont avec lui un entretien dans lequel il lui persuade que c'est seulement en m'accusant qu'il pourra faire prendre à son affaire une tournure favorable, que s'ils veulent ne pas être condamnés, il n'a qu'à les faire appeler l'un et l'autre comme témoins de ce qu'il leur convient qu'il avance, qu'ils soutiendront son assertion et déposeront dans le même sens que lui, que même ils diront qu'ils m'ont vu lui donner la somme de 3 francs. Les deux agents ne se bornent pas à ces conseils. Pour être certains, à tout événement, que Peiwa ne se rétractera pas, ils lui disent qu'ils ont à leur disposition un protecteur puissant dont l'influence le préservera de toute espèce de condamnation et qui, si par hasard une condamnation était inévitable, aurait encore les bras assez longs pour faire casser le jugement. Les débats ouverts, Utiné, Chrétien, Lacour et De Costard s'empressent de venir attester les faits qui me sont imputés par Peiwa. Cependant, ce jeune homme à qui ils ont promis l'impunité est frappé par le verdict. Alors, appréhendant qu'enfin éclairé sur sa position, il ne les fasse repentir de l'avoir trompé en dévoilant leur perfidie, ils se hâtent de ranimer son espoir, et non seulement ils exigent de lui qu'il se pourvoie en cassation, mais encore ils offrent de lui donner un défenseur à leurs frais et s'engagent à payer tous les dépens que cet appel occasionnera. La mère de Peiwa est également obsédée par ces intrigants. Ils lui font les mêmes offres de service et les mêmes promesses. Lacour, De Costard et Chrétien l'entraînent chez le sieur Basile, marchand de vin, place du palais de justice. Et là, en présence d'une bouteille de vin et de la femme Leblanc, ils déploient toute leur éloquence pour démontrer à la mère Peiwa que si elle les seconde et que son fils soit docile à leurs avis, il leur sera facile de le sauver. « Soyez tranquille, lui dit Chrétien, nous ferons tout ce qu'il faudra faire. » Telles furent les lumières que produisit l'enquête. Il devint évident pour les magistrats que l'incident de la pince fournie par Bidoc était une invention de mes agents, et depuis l'on a brodé sur ce front une foule de récits plus ou moins bizarres que les plutarques du pilier littéraire ne manqueront pas de donner pour authentiques. Si jamais il prend fantaisie à l'imprimeur Tigé ou à son successeur d'ajouter à la collection de livres forains l'histoire admirable et pourtant véridique des faits, gestes et aventures mémorables, extraordinaires ou surprenantes du célèbre Vidocq, avec le portrait de ce grand Bouchard, représenté en personne naturelle et vivante, tel qu'il était avant sa mort, arrivé sans accident le jour de son décès, en sa maison de Saint-Mandé, à l'heure de minuit, le 22 juillet de l'an de grâce 1875.